Le Nouveau Monde, dans les airs. Bender nous avait pris sur son dos et accroché fermement à sa nuque. Nous survolions la forêt. Nous étions les premiers Baefouich, les premiers gnomes des profondeurs à voler. Waouh ! Waouh, moi j'ai peur ! Oh, j'ai peur, il fait vraiment trop haut ! Bah évidemment que c'est haut, normal, on vole mon gars ! La lumière de la lune drapait les cimes des arbres d'une douce pâleur. La nuit était si calme vue du ciel. Bender volait comme on flotte sur l'eau avec une aisance telle que je ne l'aurais jamais imaginée. Roger Maverick, on survole les territoires inexplorés. Journal de bord du Capitaine Bender, coefficient espace-temps 3, 5, 6, 9, 8, 4. Nous nous dirigeons vers un monde étrange et déroutant, insolite et grandiose. Il fait un peu peur, ton copain. Oh, c'est trop haut. Tu me serres le bras, Booz. Tu me serres le bras trop fort, là. Nous filions dans les airs comme un chariot sur les rails des cavernes de Wish City. Deux fois plus vite en réalité, 10 fois plus haut. La lune était ronde et belle, pleine de cette lueur étrange, mi-éclatante, mi-pâle. Une ombre gigantesque en forme de croix passa devant l'astre lumineux. Les ailes déployées, un oiseau s'élança vers nous. M'aidez, pareille difficulté, manœuvre l'esquive, la vache, le baron rouge, me voici vraiment maverick, accrochez-vous les gars! Qu'est-ce que tu fais? Bender, fais gaffe! Ce que je fais? Je pousse les manettes des gars! Wow! Hibou nous voilà. Bec ouvert, en hurlant, et Bender plongea vers la terre ferme, ses ailes plaquées sur son corps. Booz et moi, nous accrochions tant bien que mal à son cou. J'ai tourné la tête. Derrière nous, Pierre-Jean Grégoire, le hibou, plongeait à notre suite. Attention aux feuilles! Tu vas trop vite! Faudrait savoir, voulez quoi? Finir dans la gueule de Pierre-Jean Grégoire ou lui échapper? Moi, je suis pas pour les amuse-gueules, perso. Nous filions entre les arbres, Bender battant des ailes à tout rompre, et derrière nous, Pierre-Jean Grégoire passait aussi à la vitesse supérieure. Il se rapproche! Ok, manœuvre d'esquive, attention, on redresse! Bender déployait ses petites ailes et partit en hauteur à une vitesse stupéfiante. Wow! Booz faillit lâcher prise lorsque Bender se retourna passant au-dessus de notre poursuivant. Je lui agrippai le poignet, serrant aussi fort que je pouvais. Oh, me lâche pas! Toi non plus, Booz, pas cette fois! Oh, pas de risque, mon gars! Et il est où maintenant? Pierre-Jean Grégoire contourna un arbre pour revenir à notre suite. Toujours derrière, il s'est retourné lui aussi! Y'a plus qu'une solution. Quoi? J'aime pas trop quand les gens disent ça, la dernière solution c'est jamais la meilleure. On est Top Gun ou on ne l'est pas? Tu seras fier de moi, Tom Cruise. Bender fila en rase-mode, Pierre-Jean Grégoire piqua vers nous, galbéante. Bender esquiva, contournant un tronc d'arbre mort. Il fit 2 tours tout autour, remonta un peu plus pour finalement s'engouffrer dans le tronc creux. Bender, on va s'écraser! Faites-moi confiance! Pierre-Jean Grégoire rentra à son tour dans l'arbre mort. Nous étions pris au piège. Il bloquait notre unique sortie et Bender piquait toujours du nez vers le fond de l'arbre. Faites-moi confiance! De la lumière. Une faible luminosité, mais oui, il y avait un trou dans la paroi de l'arbre, telle la porte d'une caverne, comme l'entrée d'un nid d'oiseau, d'une cage d'écureuil. Un trou tout juste assez grand pour que Bender y passe. Un trou trop petit pour que Pierre-Jean Grégoire nous poursuive. Baissez la tête, les enfants, ça va siffler aux oreilles! Et il fila dans le trou, ses ailes râpant les parois, un bout de bois me griffe à la tête. Nous passions de justesse. Ah, il pourra pas passer, il va devoir remonter tout l'arbre mort pour nous retrouver. T'es trop fort, Bender. T'es vraiment trop fort. J'ai tourné la tête derrière nous. Dans l'arbre mort, Pierre-Jean Grégoire devait battre les ailes de rage et... Oh non. Bender. Quoi? Si t'es vraiment Top Gun, c'est le moment de le montrer. Éclatant le tronc d'arbre de toute sa masse, passant entre les bouts de bois arrachés comme soufflés par une explosion, Pierre-Jean Grégoire se lança à notre poursuite, encore et toujours. Le chasseur répondait par la manière forte aux petites ruses de la proie. C'est pas un hibou! C'est un monstre! Il y avait du vrai là-dedans. Le hibou était aussi grand et large qu'un immeuble de Wish City. Pour nous, et Baefouich, beaucoup de choses ici nous paraissaient monstrueuses.